je dois trouver mon nouveau chemin. Pour le moment, il me manque de lumière. Le temps fera que demain, j'avancerai finalement pour y voir clair. Parcelle de moi, le reste est dans la maison avec toi, mais tu n'en as rien à faire. Notre amour si bien scellé, tu lui as fracassé le verre. Tu étais la voix de nos chansons, moi la musique de tes émotions. On a construit quelque chose de beau. Même si tu dis que l'amour n'est plus là, peut-être qu'il fallait juste en parler avec moi. Tu étais la voix de nos chansons, moi la musique de tes émotions. M'a construit quelque chose de beau. Pourquoi faut-il se tourner le dos? De là de penser qu'un jour notre histoire soit un souvenir d'amour. Je pensais faire ma vie avec toi, je te réservais mes rires dans tes mains toujours. Je le crois, tu étais la voix de nos chansons, moi la musique de tes émotions. A construit quelque chose de beau. Pourquoi faut-il se tourner le dos? Tu étais la voix de nos chansons, moi la musique de tes émotions. On a construit quelque chose de beau. Faut-il se tourner le dos? Moi je t'aime. Moi je t'aime. Pour toi ça sonne faux.